c'est 1-1. Ouais, elle est bien ta chanson, mais on met quoi dessus? Bah, je sais pas, en fait, tu vois, c'est un petit peu un bouche-trou, en fait. Bon, bah, tu sais quoi? Maintenant, je pense que ça suffit, ça fait son rôle de bouche-trou. On la voit ça, la suivante. Voilà, là. Bon, ok.